بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc tout d'abord j'aimerais remercier tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette conférence. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser de la meilleure des manières. Comme cela a été annoncé, le titre de la conférence de ce soir est le tawhid et son contraire, donc le shirk, à la lumière du Coran et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme vous le constatez, le titre de cette conférence est composé de deux éléments. Le premier élément est le tawhid. Et le deuxième, c'est le shirk, donc le polythéisme. Et le tawhid est le sujet le plus important de notre religion. Ainsi, le musulman doit lui donner une importance particulière. Quant au deuxième élément qui est le shirk, c'est le sujet le plus dangereux de notre religion. De ce fait, le croyant doit prendre garde au shirk. Et nous allons commencer par le tawhid. Et quelqu'un pourrait se demander pourquoi allons-nous commencer par le tawhid. Nous allons commencer par le tawhid car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le tawhid. Et également car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique « Abda'u bima bada Allahu bihi » « Je commence par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. » C'est pour cette raison que nous allons commencer par traiter ce sujet qui est très important, qui n'est autre que le tawhid. Il faut savoir que le tawhid, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala est de trois catégories. Nous avons tout d'abord la seigneurie. Ensuite, nous avons l'ibada, l'adoration. Puis pour finir, nous avons les noms et les attributs, c'est-à-dire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Ainsi, le tawhid se divise en trois catégories. Nous avons le tawhid dans la seigneurie, celui dans l'adoration et celui dans les noms et les attributs. Avant d'expliquer ces catégories, nous allons faire une parenthèse pour clarifier deux points importants. Car certaines personnes, lorsqu'ils voient que tu donnes une importance particulière au tawhid, ils vont te dire à quoi bon donner une importance particulière au tawhid, alors que le mot tawhid, il n'est pas venu dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, certains vont te dire que Les savants, certains savants, disent que le tawhid se divise en trois catégories, comme nous l'avons mentionné précédemment. Et ils vont te dire, y a-t-il une preuve dans le Coran, c'est-à-dire un verset, où, mot par mot, il y a marqué que le tawhid se divise en trois catégories. Et ce sont des paroles qu'on entend souvent et qui sont en recrudescence. C'est pour cela qu'il est bon de clarifier la vérité concernant ces deux points. Concernant le premier point, est-ce que le mot tawhid est venu dans le Coran? La réponse est que le mot tawhid n'est pas venu dans le Coran. Cependant, on va trouver dans le Coran l'équivalent du mot tawhid, tel que Ahadun, Wahidun et Wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqara, Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-Maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Étiez-vous présent quand la mort vint à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons celui que tu adores, toi et tes pères, Ibrahim et Ishaq, une divinité unique auquel nous nous soumettons en toute exclusivité. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, « Ilahan wahida » une divinité unique, un grand savant de l'islam qui n'est autre que l'imam At-Tabari a dit concernant ce verset, c'est-à-dire, nous lui vouons un culte exclusif et nous l'unifions dans la seigneurie. Nous ne lui associons rien et nous ne prenons aucun seigneur en dehors de lui. Donc on voit que dans ce verset, le terme wahidan, donc unique, est venu dans ce verset et ce terme est l'équivalent du mot tawhid. Quant à la sunna, le mot tawhid est venu dans un hadith qui est authentique. Et ce hadith est celui de Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, tu vas certes te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais en sorte à ce que la première chose à quoi tu les appelles soit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an yuwahidullah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot tawhid est bel et bien venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la deuxième interrogation, y a-t-il un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit mot pour mot que l'unicité, le tawhid, se divise en trois catégories? La réponse à cela est non. Alors, si la réponse à cela est non, quelqu'un pourrait se dire, quelle est la preuve que le tawhid se divise en trois catégories? La réponse à cette question est que la preuve se nomme at-tatabbu' wa al-istiqra, c'est-à-dire que les savants ont analysé le Coran. Et ils ont regardé les versets qui traitent du tawhid. Et ils ont vu que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa seigneurie. Et donc, ils ont appelé ce tawhid le tawhid de la seigneurie. Et dans d'autres versets, ils ont vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de son adoration et de l'obligation de lui vouer un culte exclusif. Donc ils ont dit que ce tawhid est le tawhid de l'adoration. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses noms et de ses attributs. Et donc ils ont dit que ce tawhid est le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces trois catégories. Et ils ont fait la même chose dans d'autres sujets de la religion. Prenons par exemple les conditions de la prière. Dans différentes mosquées, dans celle-ci ou d'autres, nous enseignons aux enfants les conditions de la prière. Et nous leur enseignons que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Y a-t-il un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit mot pour mot, les conditions de la prière sont au nombre de 9? La réponse est non. Cependant, les savants ont analysé le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont vu que les conditions de la prière sont au nombre de 9. Donc la preuve que le tawhid se divise en 3 catégories et que les savants ont analysé le Coran et ils ont vu également la sunna et ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces 3 catégories. Donc nous avons dit précédemment que la première catégorie de tawhid, c'est le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie. Et quelqu'un pourrait se demander en quoi consiste ce tawhid. En quoi consiste ce tawhid? Le tawhid de la seigneurie est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, comme la création, la royauté, l'administration de toutes choses et autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, qui vous attribue de la nourriture, du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront qui? Allah. Dis alors, ne le craignez vous donc pas. Ainsi, ce tawhid consiste à croire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, ni de pourvoyeur en dehors de lui, et que rien ni personne ne fait vivre à part lui. Et d'autres, parmi ce qui fait partie de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie de tawhid, donc le tawhid de la seigneurie, les mécréants reconnaissent ce tawhid, les plus anciens comme les plus récents. Et j'aimerais, avant de poursuivre, vous rappeler un principe fondamental dans notre religion. Et ce principe fondamental est que celui qui parle dans la religion d'Allah doit se baser sur des preuves. Il doit se baser sur des preuves. Lorsqu'il parle de la religion, il doit parler avec preuves. Car notre religion est une religion ordonnée. Et notre religion n'accepte pas le désordre. Par conséquent, lorsqu'on dit une parole dans la religion, on argumente avec une preuve du Coran ou bien une preuve de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant ce que nous venons de dire, que les plus anciens comme les plus récents reconnaissaient cette catégorie, nous allons mentionner une preuve du Coran qui n'est autre que le verset 38 de sourate Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Si tu leur demandes, ô Muhammad, si tu demandes aux polythéistes de Quraysh. Qui a créé les cieux et la terre? Il dirait assurément Allah. Par conséquent, ils admettaient qu'Allah est le créateur, seul, sans associé, et que leur divinité ne possède rien de la seigneurie. Et regardez, malgré qu'ils reconnaissaient cette catégorie de tawhid, cela ne les a pas fait entrer en islam. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui crée, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort, mais malgré ça, ils ne sont pas entrés en islam. Donc qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend que cette catégorie de tawhid n'est pas la plus importante. N'est pas la plus importante. Car elle ne fait pas entrer son auteur en islam. Et la preuve de cela est tout simplement les polythéistes qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reconnaissaient qu'Allah crée, qu'Allah donne la vie, qu'Allah donne la mort, qu'Allah donne la subsistance. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'ils sont mécréants et qu'ils ne sont pas entrés en islam. Et donc, comme nous l'avons mentionné précédemment, ceci nous indique que ce n'est pas la catégorie de tawhid la plus importante. Donc ça, c'est concernant la première catégorie de tawhid. Et nous pouvons rajouter un point qui est très, très, très important. Nous avons mentionné au préalable que les polythéistes à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et également ceux qu'on trouve à notre époque reconnaissent la seigneurie. Qu'Allah crée, qu'Allah donne la vie, qu'Allah donne la mort et autres. Et malgré ça, ils ne sont pas entrés en islam. Et ceci nous montre la grave erreur. Ça nous montre une erreur qui est très répandue à notre époque. Et cette grave erreur est de dire que la ilaha illallah veut dire et signifie il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Car si la ilaha illallah, son sens aurait été il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, les polythéistes d'antan auraient été musulmans. Car ils reconnaissaient cela. Et aujourd'hui, nous avons bon nombre de musulmans qui vont te dire que la ilaha illallah veut dire la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. C'est-à-dire, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah. Et ceci n'est pas correct. Car la ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les polythéistes, à l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas entrés en islam, car ils savaient que la ilaha illallah voulait dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Regardez, un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites, la ilaha illallah, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 5 de sourate Sad, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Ils ont dit, réduira-t-il toutes nos divinités en une seule? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que Mohammed va réduire toutes nos divinités en une seule, c'est-à-dire qu'on va délaisser Lat, Uzza, Manat, Hubel, et on va adorer une seule divinité, la vraie divinité, qui est Allah? Qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite, comme Allah l'a mentionné? Inna hada la shayun ujab. C'est certes une chose très étonnante. C'est pour cela que chaque musulman doit savoir, et c'est une obligation, il doit savoir le véritable sens de la ilaha illallah, qui est la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de qui? En dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est concernant la première catégorie de tawhid. La deuxième catégorie, c'est le tawhid dans l'adoration. Le tawhid dans l'adoration. Et le tawhid dans l'adoration est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être adoré seul, sans associé. Et regardez, il y a certes un lien entre la première catégorie du tawhid et la deuxième. Dans la première catégorie, nous avons dit que c'est l'unicité, donc le tawhid de la seigneurie. Le fait qu'Allah crée, il est le seul à créer, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort et autres parmi la seigneurie. Et il y a un lien entre ce tawhid, donc le tawhid de la seigneurie et le tawhid de l'adoration. Pourquoi? Car si tu sais et que tu reconnais, que tu as la conviction que c'est Allah qui t'a créé, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, que c'est Allah qui t'a créé et que personne d'autre ne peut créer en dehors d'Allah et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne la subsistance, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guérit, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a éduqué par ses bienfaits. Si tu as la conviction de tout ça, alors tu ne peux pas adorer autre que lui. Tu ne peux pas adorer celui qui ne crée pas, celui qui ne guérit pas et autre. Forcément, tu vas adorer celui qui est le seul à pouvoir créer, qui est le seul à pouvoir donner la vie, qui est le seul à pouvoir donner la mort. Et ça, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah doit être adoré seul, sans associé. Et l'adoration ne peut être vouée à autre que lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et ici, j'aimerais rappeler que l'adoration ne se limite pas à la prière et le jeûne comme peuvent le penser certains. Certains ont la conviction que l'adoration réside dans les cinq piliers de l'islam. Ils vont te dire, adorer Allah, c'est prier, jeûner, donner la zakat, faire le hajj. Alors que les grands savants de l'islam nous disent que l'adoration est bien plus vaste que cela. Les savants nous disent que l'adoration huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahirati wal-batinah. Ils nous disent que l'adoration est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a, nous avons certaines personnes dans notre communauté qui vont prier pour Allah. Lorsqu'ils vont prier, ils vont prier pour Allah. Ils vont jeûner pour Allah. Mais par contre, ils vont avoir la conviction que tel cheikh peut guérir. Alors que avoir la conviction que seul Allah peut guérir est une adoration. Par conséquent, si tu as la conviction qu'un tel peut guérir, alors tu as commis quelque chose de très grave. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut guérir, et c'est une action qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous avons parlé précédemment de l'unicité de la seigneurie, nous avons dit que c'est le fait d'unifier Allah par ses actions. Et guérir est une action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le tawhid dans l'adoration est le plus important et le plus considérable des types de tawhid. Cette catégorie est la catégorie la plus importante. Car c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Qu'est-ce que nous avons dit précédemment? Parce que quelqu'un parle dans la religion d'Allah, il doit ramener les preuves. Quelle est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Également, cette catégorie de tawhid est la plus importante, car les prophètes ont été envoyés pour ce tawhid-là. C'est-à-dire, ils ont été envoyés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجُتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de ceux qui est adoré en dehors de lui. Également, cette catégorie de tawhid est la plus importante, car c'est le premier ordre dans le Coran. Si on lit le Coran, on va voir que le premier ordre, c'est l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le début de surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô homme, adorez votre Seigneur. Il a été rapporté que Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, ainsi que son père, il a été rapporté que Abdullah Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, ainsi que son père a dit que tout ordre dans le Coran, tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de tawhid. Je répète, Abdullah Ibn Abbas a dit tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de tawhid. Par conséquent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit « Ya ayyuhan nas, u'abudu rabbakum, ou homme, adorez votre Seigneur », c'est-à-dire unifiez-le. C'est-à-dire unifiez-le, donc c'est un ordre du tawhid. Également, cette catégorie de tawhid est la plus importante, car c'est la première action qui a été mentionnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Par conséquent, tout ce que nous avons mentionné précédemment nous indique que cette catégorie de tawhid est la plus importante. Également, nous avons des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique que cette catégorie des tawhid est la plus importante. Et la plus importante. Parmi ces preuves, nous retrouvons le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Mu'adh ibn Jabal, qui a dit, alors que j'étais monté sur un âne, derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs vis-à-vis de lui? Je répondis, c'est-à-dire Mu'adh, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, écoutez bien, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et pour finir avec cette catégorie de tawhid, nous allons mentionner les fruits que l'on récolte de ce tawhid. Et les fruits que l'on récolte de ce tawhid sont nombreux. On ne peut pas les dénombrer. Parmi les plus immenses, le succès que représente l'entrée au paradis et le salut du châtiment du feu de l'enfer et du fait d'y demeurer éternellement. Car il n'y a pas de doute que celui qui s'accroche au tawhid et qui meurt sur ce tawhid, il demeurera au paradis éternellement. Et tout ceci représente la grande réussite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Sourate Ali Imran, verset 185. Et parmi ses fruits également, la sécurité et la guidée dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am, verset 82, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par du shirk, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et parmi ces fruits, également, l'obtention de la tranquillité et du repos complet du cœur. Et également, l'obtention d'une bonne vie agréable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Sourate An-Nahl, verset 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et donc le tawhid de l'adoration est la base de l'œuvre pieuse et le fondement de la foi. En résumé, tout le bien de ce bas monde et également de l'au-delà résulte du tawhid. Et tout le mal de ce bas monde et de l'au-delà vient de son contraire qui est le shirk. Et l'éminent savant, Cheikh Abdelrahman ibn Nasser al-Sa'di, a dit « Tout le bien immédiat ou à venir résulte du tawhid. » Je répète, « Tout le bien immédiat ou à venir résulte du tawhid. » Et tout le mal immédiat ou à venir résulte de son contraire. Quant à la troisième et dernière catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il consiste à affirmer tout ce qu'Allah a affirmé pour lui-même comme nom et attribut. Et également, ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé pour son Seigneur comme nom et attribut. Sans altération, ni explication du comment, ni assimilation. Et il faut savoir que dans cette catégorie de tawhid, il y a trois principes qui sont très importants. Le premier principe est le fait de croire tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna comme les plus beaux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus élevés. Ainsi, nous n'appelons Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec les noms qui s'est lui-même donné ou par lesquels son messager d'Allah ou par lesquels son messager l'a appelé conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 180 de sourate Al-A'raf, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc informé qu'il a des noms qu'il s'est lui-même donnés et que ces noms sont les plus beaux et qu'en découlent les attributs les plus élevés. Le deuxième point qui est très important, dont les noms et les attributs d'Allah, c'est le fait de purifier Allah de toute ressemblance aux créatures. Conformément à la parole d'Allah, dans sourate La Consultation, verset 11, « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. On retrouve dans ce verset une affirmation sans assimilation. L'assimilation qui est le fait de dire que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Et on retrouve la purification sans reniement, qui est le fait de renier le sens voulu par Allah et son messager. Et le troisième point concernant cette catégorie de tawhid, et ne pas avoir le désir de comprendre le comment, qui est le fait de dire que les attributs divins sont comme ceci ou comme cela, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa la yuhituna bihi ilma » Ils ne le cernent pas de leur science. Car la réalité d'une chose imperceptible ne peut être connue qu'en la voyant, ou en voyant une chose semblable, ou en ayant une information authentique à son sujet. Et toutes ces choses sont absentes en ce qui concerne l'explication du comment. Il n'y a donc qu'à s'arrêter là où la révélation s'est arrêtée. Et concernant cette catégorie de tawhid, et par cela nous allons clôturer cette première conférence, nous allons mentionner l'histoire d'un très grand savant de l'islam, on peut même dire un des plus grands savants de l'islam, qui n'est autre que l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam Malik fut questionné au sujet des comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme lui dit: Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Comment s'est-il établi? L'imam Malik est notre imam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Dites amin. L'imam Malik lui répondit: Al-istiwa ma'loum. C'est-à-dire le terme Istiwa, qu'on traduit en français par l'établissement, est connu. Pourquoi a-t-il dit ça? Il a dit ça car Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran en langue arabe. Et le mot istawa en arabe signifie l'élévation. Et donc, l'imam Malik, lorsqu'il fut questionné concernant cette question, il lui répondit Al istiwa ma'loum. C'est-à-dire que l'établissement est connu. Ensuite, il lui dit, Rahmahullah, wal kayf majhoul. Le comment est inconnu. Pourquoi le comment est inconnu? Car Allah ne nous a pas informé du comment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas informé du comment des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, qu'est-ce que notre imam, rahmahullah, a dit. Par la suite, il dit, wal imanu bihi wajib. Et y croire est obligatoire. Nous croyons qu'il y a un comment, mais nous ne pouvons pas dire comment sont ces attributs-là, car nous n'avons pas d'information. Mais nous avons la conviction et nous croyons qu'il y a un comment, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé de cela. Et regardez ce que l'imam Malik a dit par la suite. Wa su'alu anhu bid'ah. Et le fait de questionner à ce sujet est une innovation. Et il dit ensuite, rahimahullah, wala araka illa mubtadi'a. Et pour moi, tu n'es qu'un innovateur. Pourquoi? Car il a devancé Allah et son prophète. Et devancer Allah et son prophète est une chose qui est grave. Et c'est une chose interdite à l'unanimité des savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasuli. Ô vous les croyants, ne devancez pas Allah et son messager. Ne devancez pas Allah et son messager. C'est pour ça que l'imam Malik a blâmé fermement. Il a blâmé fermement cette personne et lui a dit, Wala araka illa mubtadi'an, car il a devancé Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pieux prédécesseurs, ainsi que ceux qui les ont suivis, sont unanimes quant à l'affirmation de tous les attributs avec la purification de toute ressemblance aux créatures et de tout défaut. Et pour clôturer cette conférence, cette première conférence, nous allons mentionner la parole d'un grand imam qui est un imam malikite qui n'est autre que Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr est l'un des plus grands savants malikites et il a l'une des meilleures explications du livre de l'imam Malik intitulé Al-Muwatta qui s'appelle At-Tamhid. Il nous dit, Ibn Abd al-Barr, dans son livre intitulé At-Tamhid, il dit les gens de la Sunna sont unanimes pour accepter tous les attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna et y croire en les comprenant selon leur véritable sens et non pas comme des métaphores et ils n'expliquent rien du comment des attributs. Fin de citation de la parole d'Ibn Abd al-Barr dans son livre intitulé At-Tamhid. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.